Bienvenue les jeunes à nouveau sur Roro TV, la chaîne rôliste YouTube, comment 100% dédiée aux rôlistes expérimentés, si vous voyez ce que je veux dire, clin d'œil. Bon, eh bien écoutez, je suis obligé de revenir sur Dragon de Poche du Gronf, hein, parce que du coup, je suis allé voir sur le grok.fr. Eh ben, vous savez quoi? Ils l'ont référencé sur le grog.fr alors que c'est pas du jeu de rôle. Et en plus, ils ont mis des bonnes notes. Alors là, vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai eu mal à ma France. Et puis, c'est pas tout. Je me suis renseigné sur le gronf. Parce que maintenant, dans ces jeux, il écrit joueuse à la place de joueur. N'importe quoi, alors que bon, il y a quand même 80% d'hommes dans le jeu de rôle, alors pourquoi écrire joueuse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut empêcher les hommes de jouer au jeu de rôle? Oh, attendez, moi c'est pas tout ça, mais je passe un... Allô, valeur actuelle? Oui, c'est encore Roro TV, oui, je sais, vous m'avez dit qu'il fallait plus appeler, mais quand même, si là c'est grave, hein, c'est grave ce que j'ai à vous lire. Bon, oh là là, même valeur actuelle, il ne peut pas répondre. Je suis cancel de partout. Voilà ce qui se passe. Quoi. Voilà ce qui se passe quand on ose dire la vérité. Hein, voilà, bon. Eh bien, c'est pas tout ça. Mais l'autre fois, je ne vous ai pas dit, mais c'est l'heure de mettre une note à Dragon de Poche. Alors, c'est quoi la note? Est-ce que ça va être gentil coussin joyeux? Ouh, méchant coussin en colère. Eh ben oui, c'est méchant coussin en colère. Vraiment, je suis scandalisé. Hein? Bon, à la prochaine. Nous ferons une rétrospective Rêve de Dragon. Et nous verrons pourquoi le système de Rêve de Dragon est le meilleur système au monde après Rollmaster. Bon, à vous les studios. Comment on éteint là? Hein? Je n'y trouve pas. Bon. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. J'ai une grille de programme juste après Roro TV. Bon, ça va être difficile de maintenir le même niveau, mais je vais essayer. Ah oui, alors t'as vu, j'ai mis un nouveau donjon, toujours réalisé par mon fils Victor, et ça me paraît vraiment approprié pour le sujet que je vais aborder tout de suite. C'est ce que les noobs peuvent nous apprendre du jeu de rôle. Eh oui, alors, hop. Donc, j'ai un système de prompteur qui est vraiment très efficace. En fait, je prends une pince à linge et voilà, hop, j'accroche à mon ordinateur et du coup j'ai le texte sous les yeux, comme ça je peux arrêter de, tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a certaines vidéos où j'avais mon texte sur les genoux, donc j'arrêtais pas de faire comme ça, hein. Et donc, hein. Ouais, hein, tu l'as remarqué, n'est-ce pas? Bon, voilà, on essaie de s'améliorer un petit peu au fur et à mesure, tu vois, maintenant j'ai un prompteur, ça rigole plus. Alors, ce que peuvent nous apprendre les noobs. En fait, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'en fait, on a un peu tendance, si tu veux, à plastronner avec nos X années d'expérience. Il y a eu un peu la tendance de la BIPIC. Alors, c'est quoi la BIPIC? Ben, c'est grosso modo, un peu la, les, tu vois, des photos de... Comment, des photos de bibliothèques de rôlistes, ou les guérisons, hein, 500 jeux de rôle et tout. Voilà, et un peu, genre, c'est ça, être un vrai rôliste. Tiens, d'ailleurs, je vais te montrer, on va faire un petit tour ensemble, je vais te montrer la mienne. Alors, on va faire une petite big pic. Alors, tu vois, c'est pas forcément... Oh, attention, oh, c'est fou, là, on est sur une vidéo itinérante. Alors, ma big pic, attention... Hop, tac, alors je te montre, qu'est-ce que j'ai, hein, j'ai HeroQuest, I am that old, et puis alors, en fait, je voulais surtout te montrer que mes jeux, j'en ai pas beaucoup, J'en ai pas beaucoup et genre ils sont méga mal rangés. Voilà, là c'est voilà. Si tu veux donner un infarctus, un Roro, regarde les jeux super en vrac, les bouquins, c'est pareil. Ils sont en vrac de ouf. Ah, quand même, je vais te montrer quand même que je suis un Roro parce que. Attends. Oh. Et j'ai toute la collecte d'Earthzone. Voilà. Je les ai tous. C'est un copain qui me les a offert. Hein. Je le remercie. J'ai encore pas lu. Hein. En fait, je lirai Earthzone quand mon fils il sera plus grand pour jouer avec lui. Quoi. Donc dans quelques années, on se lance dans Earthzone. Bon. Ok, alors vraiment digression plus longue ever. Donc ouais, donc en fait ça fait que si tu veux un petit peu ce culte de l'ancienneté entre guillemets en jeu de rôle, ça fait qu'on a un petit peu par rapport aux noobs, on a une attitude qui est au mieux paternaliste, au pire on va bien le dire condescendante quoi, vis-à-vis des noobs. Donc, c'est un peu genre, on veut les initier au jeu de rôle, mais c'est genre, c'est pour un peu sauver notre loisir, parce que nous, on sait que de toute façon, on va bientôt mourir, tu vois, et donc, pour que ça se transmette de génération en génération, il va quand même falloir initier des personnes, même si bon, c'est des noobs, quoi. Mais du coup, quand on les initie, est-ce que vraiment on prend plaisir avec eux, quoi? Ils savent pas faire du RP, ils comprennent pas toutes les subtilités du système de Advanced Donjons & Dragons et ainsi de suite, quoi. Bon, alors, voilà, tu l'as compris, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apporter un petit peu de fraîcheur en recensant, en fait, tout ce que les noobs ont à apporter à notre table en particulier et à notre loisir en général. Bah, déjà, en fait, tout simplement, leur candeur, tu vois, c'est assez magique, en fait, quand tu fais découvrir le jeu de rôle à une personne pour la première fois, de constater son enthousiasme, voilà, qui est encore frais, fait que la personne, elle peut apprécier des scènes dont nous sommes totalement blasés, genre ta première taverne, ton premier combat, ta première négociation RP, ta première description et tout. En fait, par procuration, un point pour revivre cet émerveillement, puis un petit peu finalement, ouais, le ressentir nous aussi à nouveau, quoi, dans nos veines, un petit peu colmatées par le vieux whisky et camembert. Les noobs, en fait, ils ne sont pas comme nous, si tu veux, conditionnés à jouer d'une certaine façon. Donc, par exemple, beaucoup plus spontanément, ils vont faire de la narration partagée, alors que nous, on est quand même ancré dans ce truc, c'est le MJ qui fait le décor, les figurants, les joueuses, elles font que leurs personnages. Eux, si tu veux, ils n'ont pas ces limites-là, donc c'est vraiment intéressant de voir ça avec eux. Et puis, en général, ils sont pas réticents. Ils sont prêts à tester n'importe quelle école de jeu parce qu'ils sont encore pas fixés dans ce qu'ils aiment. Ils sont encore pas figés dans une ou deux écoles très limitées, quoi. Alors, ça, c'est pas toujours vrai. À l'inverse, en fait, il y a certains noobs, et c'est également intéressant. Je suis une terre de paradoxes. Parce qu'il y a certains noobs ou certaines qui vont avoir finalement très rapidement des exigences précises qui vont en fait s'intéresser qu'à un seul type de jeu. Par exemple, moi j'ai l'impression, si tu veux, que les bacs à sable du quotidien, donc qui sont une façon de jouer un petit peu nouvelle, ça s'est beaucoup développé parce qu'il y avait une testeuse qui était noob en jeu de rôle et qui vraiment tout de suite a compris que ce qui l'intéressait en jeu de rôle, c'était explorer de façon très précise un univers, de jouer en temps réel, de passer du temps avec les PNJ et tout. Et donc le fait que cette joueuse était surtout en attente de ce type de jeu, ça nous a incité dans la scène à créer de plus en plus de bacs à sable du quotidien. Je ne dis pas exprès pour elle, mais presque exprès pour elle, quoi. Parce qu'elle, elle voulait tous les tester et tout. Et donc, elle a part... Personnellement, je pense qu'elle a énormément participé à l'essor de cette école de jeu, quoi. Je trouve aussi que les noobs, si tu veux, vont voir beaucoup plus facilement les lourdeurs de nos dispositifs. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'encombrer, si tu veux, de règles, de dispositifs complexes, parce qu'on a l'habitude, tu vois. Tandis que les noobs, ils n'en ont pas, et donc vous de suite voir là où il y a trop d'informations, un peu pour rien, quoi. Et donc, ils vont te dire, ah bah là, ton briefing, il est beaucoup trop long, là, ces règles sont trop complexes et tout. Et donc, un petit peu en collaboration avec eux, tu vas voir comment alléger les dispositifs, que bah, tiens, toutes ces règles-là peuvent dégager, arriver sur des dispositifs plus minimalistes, plus accessibles. Et au final, ça, c'est intéressant pour tout le monde, même les roros. Enfin, il y a un moment, si on peut commencer à jouer au bout de 5 minutes plutôt qu'au bout d'une heure, moi, je pense que ça intéresse tout le monde, quoi. Les noobs aussi peuvent apporter l'expertise qu'ils ont, mais dans d'autres domaines que le jeu de rôle. Par exemple, Eugénie, quand elle a découvert le jeu de rôle, elle venait du théâtre d'impro. Et en fait, elle a apporté dans le loisir énormément de techniques du théâtre d'impro, qu'elle a un peu, si tu veux, vulgarisé avec son blog Je ne suis pas MJ, mais. Et là, littéralement, je trouve aussi inventé une nouvelle façon de jouer. Donc, elle a, en tant que noob, en fait, elle a apporté beaucoup à notre loisir, quoi, à sa façon, quoi. Pour ne citer qu'elle, hein, bien sûr. Hein. Tu vas avoir des noobs qui sont experts en cinéma, en littérature, en jeux vidéo, en jeux de société. Tu vas avoir ou tout simplement des personnes qui sont experts dans un domaine et qui peuvent du coup assister le MJ sur ce domaine. Moi, j'ai un souvenir assez fort d'une partie où on jouait avec des ados. Donc, pour la plupart, c'est leur première partie de JDR. Et c'est un train, c'est une espèce de truc à la Snowpiercer, enfin donc un train science-fiction, quoi. Et à un moment, il y a une panne de moteur, et donc il y a un joueur qui s'emploie à réparer le moteur. En fait, si tu veux, le joueur, l'ado, c'était un apprenti mécano dans la vraie vie. Et donc, il a commencé à dire comment il réparait le moteur du train en employant plein de termes techniques. Et tu vois, ce côté techno-babble était super intéressant pour la partie, quoi. Et enfin, pour terminer, ben, je trouve que les noobs, ils nous amènent aussi, ils nous poussent à explorer d'autres types de fiction. C'est-à-dire que si tu veux initier ta mémé et ses copines, ça va être compliqué de leur faire jouer le temple du mal élémentaire. Donc, du coup, tu vas peut-être créer une enquête à la Miss Marple. Si, bah, par exemple, moi, pour faire du jeu de rôle avec mon gamin, je suis un peu obligé d'aller vers ses références. Donc, par exemple, on fait du jeu de rôle Kirby, tu vois. Et donc, j'y serais pas forcément allé sans lui, quoi. Donc, voilà, j'espère que j'étais un petit peu ouvert les yeux sur tout ce que les. En fait, en quoi les noobs peuvent nous enrichir, en quoi c'est intéressant de jouer avec eux, en plus du truc, il faut initier, développer le loisir, mais juste qu'en fait, c'est des joueuses au moins aussi intéressantes que les joueuses expérimentées. Là-dessus, je te fais des gros bisous, s'il te plaît, tu lâches des coms, tu types outsider, tu t'abonnes, tu mets la cloche, ou sinon, bah, tu continues de regarder les vidéos ou tu continues pas, tu es libre comme un petit oiseau. Allez, ciao.